L'agence de presse russe TASS, l'agence de presse Chine Nouvelle, le quotidien de Liaoning, la télévision satellitaire Phoenix de Hong Kong, les réseaux Chine Nouvelle et Planète de Chine, les pages d'Internet du Comité national nigérien d'études du kim-sunisme, kim-jong-lisme, du Comité national d'études des études du Congo démocratique et de l'association d'amitié Pektusan Tché-Corée ont fait part que le dirigeant suprême Kim Jong-un a inspecté le centre d'élevage de porc de Taechon 22 avril des forces aériennes et anti-aériennes de l'armée populaire de Corée. Les masses médias ont présenté les photos du dirigeant suprême coréen.